Voilà que l'on se cache, quand se lève le vent de peur qu'il ne nous pousse vers des combats trop rudes. Voilà que l'on se cache dans chaque amour naissant qui nous dit après l'autre je suis la certitude. Voilà que l'on se cache, que notre ombre un instant pour mieux fuir l'inquiétude soit l'ombre d'un enfant, l'ombre des habitudes qu'on a plantées en nous quand nous avions 20 ans. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà qu'on s'agenouille d'être à moitié tombé sous l'incroyable poids de nos croix illusoires. Voilà qu'on s'agenouille et déjà retombé pour avoir été grand l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille alors que notre espoir se réduit à prier, alors qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà que l'on se couche pour la moindre amourette, pour la moindre fleurette à qui l'on dit toujours. Voilà que l'on se couche pour mieux perdre la tête, pour mieux brûler l'ennui à des reflets d'amour. Voilà que l'on se couche de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour pour mieux faire notre cours à la mort qui s'apprête pour être jusqu'au bout notre propre défaite. Serait-il impossible de vivre debout?